Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Freaks et Merveilles, un podcast sur les arts de la scène queer. Aujourd'hui, dans Freaks et Merveilles, je reçois un blob, une trajectoire, un processus, une mutation, une épistémologie de la rupture et de la retrouvaille pour l'AECT. Son art défie les catégories et les étiquettes parce que sa musique le montre bien. L'important n'est pas d'être, mais d'explorer, de sentir et de se sentir. Aujourd'hui, je reçois Chose. Bonjour Chose. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, c'est très chouette de te retrouver dans les micros de l'émission. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'un petit peu travailler avec toi, je ne t'ai pas encore vu en concert, j'ai très très hâte de ça. Ça va, tout va bien ? Bah oui. Ouais. Oui, oui. Alors, bah, pour débuter, allons-y franchement. Chose, c'est quoi ? C'est qui ? Alors, Chose, c'est mon projet artistique, musical principalement. Et c'est aussi mon nom de scène, du coup. C'est un projet que j'ai mis en place il y a 2 ans. On a commencé nos premiers concerts en 2022. Et voilà, et depuis lors... On a créé un spectacle qui s'est transformé ensuite en concert et voilà et puis enfin c'est un tas de choses je pourrais partir dans tous les sens en fait à partir de cette question là mais non mais donc au départ c'était un spectacle donc tu ouais. Viens plutôt du théâtre. Je suis pas théâtreuse moi-même mais j'ai toujours eu une attirance en tout cas vers le théâtre. J'ai fait quelques stages de théâtre entre autres de création de personnages et puis quand j'étais enfant voilà des stages de théâtre c'est comme tu fais un stage et puis une petite pièce à la fin du stage. Donc il y a en tout cas en fait dans le spectacle j'avais envie d'avoir une dimension théâtrale, ça oui, bien que je venais pas de là, mais c'était pas grave. Parce que je voulais raconter quelque chose en fait avec des éléments autres que la musique. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça un spectacle, c'est parce qu'il y avait un peu une mise en scène. Il y avait un endroit où je me maquillais sur scène en live en fait, pendant qu'il y avait des voix off qui racontaient des petites histoires. Et puis après, en dehors de ça, il y avait les morceaux quoi, de musique... Ok. Voilà. Et ben donc justement maintenant c'est devenu un projet musical à part entière. En préparation du podcast, tu m'as dit que pour toi c'était ni du rap ni du hip-hop parce que moi c'était les premières étiquettes que j'avais voulu mettre là-dessus. Du coup, comment est-ce que tu décrirais le style ou l'identité musicale à laquelle on peut rattacher Chose et Habiter l'orage qui est ton album. Bah du coup en l'occurrence Habiter l'orage. L'album, il est très diversifié, donc on a effectivement des influences rap, hip-hop, surtout dans un morceau qui est complice, qui est vraiment effectivement du rap. Et en fait, à partir de là, on a un tas d'influences différentes qui viennent surtout de Tom, mon beatmaker, parce que lui, il a des influences non seulement hip-hop, rap, mais aussi électro et techno. Il vient à la base de la scène électro et techno, donc et il est arrivé au hip-hop en fait à force de travailler avec des rappeurs à Liège. Donc en fait au final ce qu'on a fait dans Habiter l'orage, bah, c'est qu'on se trouve à l'intersection de ses influences à lui et puis de mes influences à moi. C'est-à-dire que moi mon point de départ c'est l'écriture de texte et en fait le truc c'est que quand j'écris, bah en fait le morceau au départ il peut devenir plein de choses différentes quoi. Ça peut je peux écrire un slam qui va vraiment être pensé a cappella et puis peut-être que je vais écrire une chanson et je vais lui demander de mettre de la prod dessus, mais peut-être que lui à partir de ça il va s'inspirer soit de son côté plus électro soit de son côté plus hip-hop, donc ça peut partir un peu dans toutes les directions. Donc je dirais que sur l'album, sur Habiter l'orage, il n'y a pas vraiment d'étiquette ici très précise parce que le but c'était d'explorer aussi au départ et c'est ce qu'on a fait. Après si je devais aller dans une direction aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que à la fois j'ai l'impression que artistiquement j'ai un élan vers la variété, enfin pas la variété du coup, en tant que genre musical mais vers la diversité de genre. parce que voilà, un jour je vais avoir envie d'écrire un rap, je vais pas m'empêcher de le mettre sur un album si c'est un bon morceau et que j'ai envie qu'il y soit. Mais après, idéalement, je pense que j'aurais envie de tirer vers l'électropop qui est bien représenté dans l'album avec Sexy par exemple. Après, j'ai pas envie de faire que des morceaux comme Sexy qui sont boum boum comme celui-là. Mais j'ai envie ouais, de trouver un juste milieu entre cette électropop et une espèce de chansons francophones un peu alternatives quoi finalement pas un truc tout classique mais voilà quelque chose qui va un peu aller chercher une vibe entre l'électro et le texte parce que je fais vraiment des chansons à texte quoi Ouais, ouais. et on sent très rapidement qu'effectivement, il y a plein de diversité dans les styles, dans la manière de faire, et une certaine fluidité, et qu'en plus, ben, l'album explore de manière assez explicite la fluidité de genre et ton trajet là-dedans. D'ailleurs, il y a plusieurs morceaux qui sont a cappella, notamment le tout premier de l'album, qui s'appelle Chose, et qui, enfin moi, je l'ai vraiment pris comme une espèce de manifeste ou d'annonce de ce qui allait suivre. Et donc c'est là notamment que tu parles de choses comme d'une épistémologie de la rupture et de la retrouvaille, ce que je trouve vraiment une très très belle formulation. C'était important pour toi de clarifier ça, d'expliciter le fait que cet album allait parler de fluidité de genre, ou en tout cas de quel était le processus qui t'amenait là? Ouais, tout à fait. Je pense que alors peut-être pour répondre à cette question, il faudrait que je me rappelle de à quel moment j'ai écrit ce texte-là par rapport au reste des morceaux. Et je pense en fait que je l'ai écrit à la base comme une biographie. Parce que quand j'y pense, en fait, dans mon dossier de présentation du projet, c'est le premier texte. Enfin, j'utilise ce texte-là comme introduction au projet, en fait. Oui. Et donc je pense que je l'ai écrit dans le but d'essayer d'exprimer c'était quoi chose pour moi au moment où ça commençait, où j'étais vraiment au début du projet. Et en fait, il y a toute cette poésie en fait qui est sortie. J'écris pas beaucoup de textes comme ça, mais je sais que quand ils sortent, ils sont beaux parce que c'est. J'essaye de mettre des mots sur l'indicible en fait quelque part. Et ça donne un peu ce genre d'introduction très alambiquée avec voilà avec des associations de mots parfois qui sont compréhensibles pour moi, mais qui enfin, que si tu me demandes de te l'expliquer il y a 2 ans ou aujourd'hui, je vais plus avoir le même point de vue même sur ce que je raconte. Mais donc ouais, je pense que c'était important. Et en fait, historiquement aussi dans le projet, la raison pour laquelle ce morceau se trouve en tout début d'album, c'est parce que ça a toujours été le morceau d'introduction du spectacle aussi. C'est-à-dire que. Attends, si je me trompe pas, hein, comment est-ce que je commençais ce spectacle déjà? Alors, est-ce que. Ah non, non, attends, ouais. Il y avait, pardon, il y avait un morceau, il y avait une musique. Dans le OK. spectacle, il y avait une chanson qui était Une chute et un bleu. On commençait avec ça. Et puis après, je me dirigeais vers la table de maquillage. Et là, la première voix off, c'était ce morceau-là, quoi. OK, c'était Qu'on chose. a gardé tel quel, d'ailleurs. Je pense que je ne l'ai même pas réenregistré pour l'album. Donc, c'est la version enregistrée d'il y a 2 ans, quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu avais? Parce qu'on enfin moi je sens vraiment dans l'album que c'est très mouvant et que tu te poses beaucoup de questions, t'explores beaucoup ton identité de genre et un peu la binarité de genre de notre société tout au long de l'album. Qu'est-ce que ça fait maintenant de chanter des textes d'il y a un an ou deux et qui correspondent peut-être plus à ce que tu à la manière dont tu le formulerais maintenant, quoi? Je pense que heureusement, mes morceaux, je m'en suis pas encore lassé à ce niveau-là. Par contre, je m'étais effectivement lassé de la version spectacle qui, elle, ne correspondait plus à ma réalité, à ce que je vivais dans mon corps. C'était dans mon corps, j'étais plus loin au niveau de la construction de ma non-binarité que ce que le spectacle représentait. Et du coup, j'ai eu besoin de changer de forme. Pour pouvoir dire d'autres choses, en particulier au niveau des interludes, du spectacle, etc. J'avais besoin de raconter autre chose et donc on a arrêté le spectacle pour ça. Mais au niveau des morceaux, je pense que je m'en suis pas encore lassé, effectivement. Je pense qu'ils veulent encore dire beaucoup de ce que je vis aujourd'hui. Et surtout, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre du dépassement de soi, c'est-à-dire que ces morceaux, ils sont importants pour moi, mais j'ai envie qu'il puisse être important pour d'autres personnes que moi aussi, et donc c'est important, je pense, de continuer à les faire et à les défendre, parce qu'en fait, ça peut faire sens pour d'autres personnes. Et donc voilà quoi. Mais je me sens toujours très, très fort d'actualité avec les morceaux. Je pense que je les ai écrits suffisamment, je dirais pas généraliste, parce que je veux dire, je vais chercher des expériences précises parfois, mais ça fait référence à des choses vécues qui sont profondes et auxquelles je peux encore me rattacher aujourd'hui, je crois. Donc ouais, je suis encore en phase avec ça. Oui, puis il y a toujours ce processus un peu de poétisation qui fait qu'on garde l'intime, mais on touche un peu à quelque chose qui est plus exactement nous, dans Ouais, ce genre tout de à fait. texte-là. Complètement. Ouais, et puis voilà, je pense qu'à un moment donné, tu vois, par exemple, la raison pour laquelle j'ai arrêté le spectacle, c'est parce que en faisant le spectacle, je n'écoutais plus les voix off en me maquillant. Et du coup, je sentais que j'étais plus en phase avec les voix off, j'étais plus en phase avec ce que je racontais, j'avais plus d'intérêt avec ce que je racontais. Et peut-être, entre autres, parce qu'il y avait quelque chose de particulièrement personnifié dans les voix off. Et du coup, ben, effectivement, il y avait peut-être moins cette poétisation de ces parcours-là, parce que ça venait chercher des expériences très très précises quoi, dans mon parcours. Alors qu'effectivement, un morceau, au final, je veux dire, c'est même plus. Enfin, je veux dire, oui, c'est important ce que je dis dedans, mais quand je l'ai fait sur scène, j'ai aussi envie de vibrer, de danser. Et du coup, je le vis comme ça, en fait, et je le vis à travers ça, bien plus qu'à travers les paroles en tant que telles, quoi. Et bah, tu parles justement de l'aspect spectacle de tout ça. Tu as déjà eu plusieurs dates en live à Esperanza. Il y a eu une release party. Il y a eu même plusieurs autres dates depuis cette année 2024. Comment ça se passe, les lives? C'est encore. Est-ce que pour toi, le vrai aboutissement du projet, c'est quand tu arrives au live devant un public? Moi, si tu me lances sur des questions philosophiques, Eh je ben, vais faire de la fonce, on a une heure, on philo. a une heure, vas-y. Non, mais je veux dire, j'ai jamais, je me rends compte que j'ai jamais des réponses simples à peu importe les questions qu'on me pose de toute façon. Mais c'est comme ça, c'est qui je suis, je crois. Mais en fait, donc l'aboutissement, c'est ça la question. Ben ouais, parce que tu parles du côté scénique de ce que tu fais, qu'en plus au départ c'était un spectacle, etc. Donc du coup, pour toi, le projet se réalise vraiment quand tu es sur scène devant un public? Non, en fait, pour moi, il y a plein d'aboutissements différents à différents niveaux, dans différents et à différents passages du processus, quoi. En fait, il y a tellement d'aboutissements que je pourrais aborder pour chose, tu vois. Je veux dire, il y a un aboutissement personnel et artistique à travers simplement l'écriture, à travers l'exploration et la découverte de soi. Donc il y a quelque chose de très intime et de très privé. Il y a un aboutissement artistique sur le plan, mais waouh, là j'ai fait un truc. Je suis passé à un autre niveau de ma musique, je pense, tu vois, en termes de qualité d'écriture, en termes de qualité de chant, en termes de qualité de musique, d'enregistrement, etc. Donc il y a un très gros aboutissement avec l'album à ce niveau-là. Et chaque scène est un aboutissement, effectivement. Mais je veux dire, il y a quelque chose de spécial avec le scénique parce que c'est ce qui m'attire le plus. C'est ce que je fais avec le plus de facilité aussi, même si à la résidence bah, à laquelle tu as participé avec nous, je me suis rendu compte que je pouvais travailler plus et que si je le faisais, ce serait encore mieux. Et donc c'est vrai que là, j'ai appris que je ne devais pas me reposer sur mes acquis. Mais la scène, c'est ce qui me vient le plus facilement quand même de base. Et c'est ce que je fais avec le plus de spontanéité. Et je me rends compte que j'ai une grande facilité dans cette spontanéité-là. Et du coup, chaque scène est un aboutissement parce que chaque scène me fait plaisir. Ça fait toujours du bien d'être là. En fait, quand j'y suis pas, je m'en fous un peu et j'y pense pas trop, mais une fois que j'y suis, à chaque fois que je sors de là, je suis en mode, mais c'est génial, j'ai envie de faire que ça de toute ma vie, tu vois. Et donc, y a pas. Ça représente pas un aboutissement, par contre. C'est juste là, c'est juste, ça fait du bien. Je suis content d'être là et j'ai envie de continuer à le faire. Par contre, ce qui est un aboutissement et qui passe par la scène, c'est le retour des publics et c'est de voir ce que ça leur procure en fait. Et ça, je pense que ça se transmet par la scène, par le studio aussi, parce qu'on a enregistré. Mais je pense que le plus gros aboutissement et la plus grande découverte de à travers choses, c'est de voir à quel point ça peut faire du bien à des gens, de voir à quel point ça peut les toucher. Et avoir tous ces retours-là, en fait, ça donne du sens à tout ce qui est fait, quoi. Et tu vois, par exemple, moi, je réfléchis énormément à, bah, effectivement, ce serait quoi un aboutissement artistique? Est-ce que ce serait faire les plus grandes scènes du monde entier et avoir des millions de personnes qui se déplacent pour te voir? Ou est-ce que tu peux trouver de l'aboutissement dans les petites choses que tu remarques chez les gens? Allez, hier, j'ai quelqu'un qui partage en story un concept sur Insta de ah tiens, tel le premier concert que j'ai vu, le dernier concert que j'ai vu, celui que j'ai le plus vu, celui que j'ai préféré, etc. Et la personne qui est une liégeoise m'a identifié sur le concert que j'ai le plus vu. Et je trouve ça chouette, tu vois. Enfin, je veux dire, ça veut juste dire en fait, a priori, que j'ai fait beaucoup de concerts à Liège et que du coup, mais la Qu'elle est personne venue s'est déplacée vraisemblablement à chaque fois et je trouve ça merveilleux, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est juste gai, en fait, de se rendre compte de l'impact local que tu peux avoir. J'ai pas besoin d'avoir un impact global, tu vois. J'ai plus cette ambition-là. Je dis pas que je l'ai jamais eu, je dis pas que je l'aurai plus. Mais je ne l'attends plus en tout cas, parce que ça me faisait trop souffrir d'attendre que ce soit quelque chose qui arrive comme ça par magie, alors que c'est pas de la magie du tout en fait, c'est des choses bien précises qui se passent dans le monde qui font qu'à un moment donné tu arrives à ce genre de position-là. Mais pour résumer vraiment ce dans quoi je m'épanouis, ce qui donne sens au projet, ça va vraiment plutôt être ok, je vois que localement, avec les gens qui m'entourent, avec les gens qui se déplacent pour voir le projet, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui fait kiffer, et c'est hyper important, et ça me suffit, quoi, tu vois. Et j'ai aussi besoin de me dire que ça me suffit, parce que sinon je serais dans l'attente de plus, et je serais pas en accord avec moi-même, et avec ce que je suis dans la possibilité de réaliser aujourd'hui aussi, tu vois. Donc voilà, une petite question, une grande réponse. Non mais super. Bah, l'épisode précédent c'était avec Laetitia qui est une stand-upereuse qui nous parlait justement du fait que elle avait du mal à se projeter dans son avenir sur scène et notamment à un moment on lui avait dit mais dans 5 ans où est-ce que vous vous voyez artistiquement? Et il avait été incapable de répondre. Ouais. Donc je trouve intéressant que toi, enfin on sent que c'est des questions qui ont déjà été mûries. J'y réfléchis Ouais. énormément et c'est là, c'est présent depuis très longtemps. Et je me positionne aussi en fonction de ce que je vois, parce que je veux dire, quand j'ai discuté dernièrement avec quelqu'un qui est vraiment bien ancré dans l'industrie francophone de la musique, et quand je l'écoute parler, c'est très intéressant et je trouve ça très. Très bien, très intéressant de comprendre les filons du game, quoi, tu vois, un peu, de comment ça marche, de qu'est-ce qu'il faut faire. Je trouve ça hyper intéressant, hyper passionnant, mais est-ce que j'ai envie de ça? Il m'a aussi posé cette question, toi, dans un an, t'as envie d'être où? Frère, moi, dans un an, enfin, j'ai trop de trucs à gérer là maintenant que pour me demander où je veux être dans un an. Allez, si, alors peut-être des petits objectifs, tu vois. Je veux dire, ouais, j'ai envie d'aller jouer en France, j'ai envie d'aller jouer à Paris, tu vois, par exemple. Et peut-être que ça se fera, peut-être pas, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis quelqu'un qui attend. J'ai beaucoup attendu que les choses viennent à moi, et j'ai eu beaucoup d'opportunités comme ça. Je me rends compte aujourd'hui que je peux plus fonctionner que comme ça, sinon je fais pas assez. Où je suis pas suffisamment satisfait. Mais je veux pas non plus me mettre des objectifs inimaginables en tête non plus, tu vois, parce que j'ai pas envie de souffrir de cette attente de la richesse et de la gloire, quoi, tu vois, vraiment. Yes. Donc je comprends, ouais, cette réflexion que cette autre personne peut se faire de, mais dans 5 ans, attends, déjà demain on fait quoi, tu vois? C'est important ce qui se passe demain, tu vois, déjà. Même aujourd'hui, en fait, là, maintenant, on est où, tu vois? Genre, l'instant présent, quoi. Essayons déjà d'en profiter. J'ai trop souffert de pas profiter de l'instant présent. J'ai trop souffert de ça, d'être toujours dans des plans, de... Non, maintenant, là, j'essaye déjà... Je sais qu'on va en parler après, mais déjà, là, j'essaye d'avoir un boulot. J'essaye de... Avec les enfants, ma compagne, que ça se passe bien à la maison, qu'on soit bien. Et puis, j'ai des projets, ça, oui. Mais ce qui est important, c'est ce que j'ai envie de faire et pas tellement là où j'ai envie d'aller, quoi, parce que je sais pas où ça va m'amener tout ça. Là, aujourd'hui, ça m'a mené dans le studio de Radio Panique pour Fou et Merveille, et c'est exceptionnel déjà, tu vois, c'est trop bien. Trop bien. Mais on va parler justement de demain, mais surtout d'hier et de ce qui t'a amené ici dans ce studio. Ouais. Mais avant ça, bah, on va s'écouter un morceau. On va s'écouter Un cintre sur un clou, qui est un de mes morceaux préférés de l'album. Bon, après, j'en aime beaucoup, mais celui-là, je l'aime vraiment bien. Donc on se l'écoute et puis on revient après. Bonne écoute. Crop top, t'as coupé l'étiquette. Personne s'y connaît, mais tout le monde veut s'y mettre. Tu vas en machine sûrement à 30 ou 40 heures. C'est la douche froide, mais il faudrait que t'avances. Et elles veulent te tirer les tirettes, piner les pinettes, te plier, trier les vignettes. Aussi bien que de toi, y a pas grand chose qui reste. Un cintre sur un clou. Et elles veulent te toucher toute la journée, te faire tourner, curiosité, l'ami, tu me donnerais bien ton avis. Mais tu ne veux être ni son prix ni son caddie. Elle te remplit d'informations dont tu n'as que faire. Mais que faire à part te taire les genoux à terre, épuiser dans ta chair, épuiser ce qui reste de toi. Un cintre sur un clou. Un cintre sur un clou. Un cintre sur un clou. Un cintre sur un clou. Un cintre sur un clou. Ouais, yeah. Un cintre sur un clou. Ouais, ah. Un cintre sur un clou. Un cintre sur un clou. Un cintre sur un clou. Il ne reste de toi que la carcasse. Dépossédée, dépendante, ça te tracasse. Tu n'enfonces plus que des masques dans la mallette. Tu n'oses plus ni les strass ni les paillettes. Comment se fait-il que quand tu t'en libères, d'autres cas s'imposent à toi? Où est le ciel? Où est le ciel? Comment se fait-il que quand tu t'en libères, d'autres cas s'imposent à toi? Où est le ciel? Où est le ciel? Tic tac tic toc, c'est la rentrée. Mon Dieu, dans quoi vais-je rentrer? Tic tac tic toc, je suis un garçon. Je veux mettre un string, pas un caleçon. On fait tous genre, on se connaît. On fait tout genre, tout confondu. On essaye tout ce qu'on n'a pas pu. Quand la sécu nous renvoyait, ouais, vers l'autre cabine. Parce que tu t'habilles fille, yeah. Alors que t'as une un cintre sur un clou. Un cintre sur un clou. Un cintre sur un clou. Un cintre sur un clou. Ouais, yeah. Un cintre sur un clou. Ouais, ah. Un cintre sur un clou. Un cintre sur un clou. Un cintre sur un clou. Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Freaks et Merveilles. Un cintre sur un clou. Ah, je me lasse pas de l'écouter. Alors, eh bien justement, qu'est-ce qui t'a amené ici? On disait qu'est-ce qui t'a amené jusque-là. Donc toi, tu disais que tu viens un peu du rap et du slam. Comment t'en es arrivé déjà au rap et au slam, et comment le projet chose a émergé depuis le rap et le slam? Alors, le rap, enfin le slam d'abord, c'est ma première maison artistique à la zone à Liège. Je me suis retrouvé là au tout début de mes études en 2016 à écrire. J'avais déjà écrit des textes qui ressemblaient plus à un spoken word et à du rap. Et en fait, je suis arrivé à la scène slam genre en fin d'année 2016 en fait, qui était le début de l'année scolaire. Et puis j'ai accroché tout de suite. J'ai vu une première scène. À la deuxième, je venais faire un texte. Et puis à toutes les suivantes, j'ai posé des textes, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Wow. Et en fait, j'ai fait beaucoup de choses chouettes avec le slam parce que j'ai remporté le championnat de Belgique de slam en 2018. OK. Et ça m'a permis de faire du slam dans d'autres pays, en fait, pour des championnats, quoi. Donc il y avait championnat européen qui avait lieu à Budapest en 2018 ou 2019. Il y a eu championnat du monde à Paris et puis d'autres événements internationaux, Luxembourg, République tchèque. Des chouettes expériences en fait avec beaucoup d'écriture a cappella à ce moment-là. Et puis en fait en parallèle, j'ai rencontré quelqu'un dans le milieu slam qui était un slameur aussi. Qui m'a proposé qu'on taffe ensemble sur des trucs, et puis en fait, on s'est retrouvé très rapidement à faire du rap parce que moi je faisais un peu de prod à ce moment-là, j'écrivais un peu de rap, mais c'est vraiment plus avec lui que je me suis lancé. Et on a eu un projet ensemble qui a duré 2 ans, je crois, de 2018 à 2020. Et donc, ouais, beaucoup de concerts pendant cette période-là, on avait eu des accompagnements à Liège de la province, donc avec des coachings et tout ça, quoi, avec de l'écriture en mode un peu résidence, etc. Et le fait de rentrer dans ce circuit-là, ça nous a permis de faire pas mal de concerts en 1 an et demi, quoi, en gros. Et puis le projet s'est Et ça, fini. pardon, ça c'est des trucs qu'on peut encore écouter quelque part? Très peu, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été supprimées. Ok. Il y en a d'autres qui sont toujours là sur YouTube, sur Spotify, je suis même pas sûr parce que je pense Ok. que le compte a dû être. Enfin, l'abonnement en fait aux plateformes de Ah oui, c'est distribution a dû ça. être levé. Mais sur YouTube, il y a encore des choses. Après, honnêtement, c'est pas quelque chose dont je fais la pub. Ok. Enfin, pas ce projet-là en tout cas, D'accord. parce que ça s'est pas bien fini. Mais OK. par contre, il y a eu. Du coup, en fait, après ce projet-là, ben, j'avais toujours envie de faire de la musique parce que j'en avais fait avant et j'avais envie d'en faire après, quoi. Donc j'ai continué le rap, en fait, sous un autre blaze. C'était REQ, REQ, remise en question. Histoire de pas dire du tout que j'étais déjà quelqu'un qui me posait trop de questions. Et c'était déjà mon blaze de slammer, en fait, avant ça. Et puis, en fait, avec REC, j'ai produit un projet. Je l'ai écrit assez rapidement, juste après la rupture de ce groupe-là. Je l'ai écrit assez rapidement, je l'ai enregistré, je l'ai fait mixer, masteriser, avec un producteur qui est à Arlon, je pense, en ce moment, enfin, du côté d'Arlon, qui s'appelle Maximum Minimum, que j'avais rencontré en correspondance. Il était au Sénégal, en fait, quand on s'est capté sur les réseaux sociaux. On a commencé à faire de la prod ensemble. Et je pense qu'on a produit l'entièreté du projet à distance, en fait. Il était Oh revenu en Belgique entre-temps, et puis en fait, on s'est rencontrés et on a commencé à faire des concerts ensemble, quoi. Donc, il y a eu. Ok, la magie d'Internet, quoi. Ouais, c'était chouette. C'était chouette. Je sais même plus comment on s'est capté la première fois, mais c'est sûr que c'était par Instagram parce qu'il était au Sénégal, quoi. Et puis j'ai capté un gars qui faisait de la batterie, William. Et il est venu se greffer au projet live. Donc on a eu à l'été 2021 quelques concerts live avec batterie et instrumental, Ok. quoi. Et ça, c'était du rap où Et t'abordais déjà des questions un peu de non, déconstruction, des pas du questions tout. queer Donc et tout ça, non? là c'était du rap sans toutes ces questions-là. À savoir qu'en fait donc j'ai sorti le projet. En fait, j'ai sorti des clips. J'ai sorti 5 clips, et puis les 5 morceaux. Après, j'en ai fait un EP qui est sorti aussi sous forme de CD, etc. Ça, c'est toujours écoutable. Donc c'est REQ, REC, Ok, et le bon, on projet il mettra s'appelait en description. Avif. Ouais, Ok, donc avis. il s'appelait Avif. Et d'ailleurs, J'ai encore plein de CD parce que je suis passé à autre chose. Et genre, j'ai encore plein de CD chez moi. Et je me dis, un jour, je les mettrai sur une table de merch et les gens se serviront, quoi. Parce qu'il faut bien que je les écoule quand même. Mais vu que je suis passé à autre chose, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais donc, bref, REC, cet EP à vif, c'était un premier EP. Bah déjà, un premier EP, l'air de rien. C'était un EP dans lequel j'abordais rien de très précis. En gros, les morceaux, ils s'appellent Cassé, Chiffré, Noyé, tous des trucs en et, tu vois. Bref, je sais plus. Enfin, bref, j'avais envie d'une cohérence, alors j'ai fait un truc cohérent de ce genre-là. Et donc, j'ai voulu clipper chaque morceau, ce qui a été fait. L'EP est sorti, on a fait des concerts, c'était très chouette, on s'est très bien amusé, c'était vraiment des beaux moments. Et en fait, ça, le moment où ce truc-là il sort et où on fait les concerts, c'est toute la période. Il Ah oui, c'est y a, confinement y et a tout ça. non, hein. Ah Non, non, non, même c'était pas? après, Ah oui, carrément confinement. après, pardon. Non, en effet, pendant le confinement, j'étais toujours sur l'ancien projet. D'accord. Et c'est à la sortie du confinement, je pense, que ça s'est arrêté. Ah oui, autant pour moi. Donc tu Non, c'est ça, disais... c'est 2021, là, Ah oui, été pardon, oui, c'est ça. 2021, c'est à ce moment-là que j'ai sorti à vif. Mais j'étais sur une plaque tournante, quoi. Et c'est vraiment là que tout a changé. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le dernier clip que j'ai sorti, à un moment donné, je l'ai regardé et je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça que j'avais envie de faire. Sur scène, j'arrivais à être ancré parce qu'au niveau de mes vêtements, bah, je portais des petites chemises de couleur. Voilà, je me préparais. Je pense que je mettais quand même un tout petit peu de maquillage, peut-être quand même sur les yeux. Juste un mascara et un trait Ouais. d'eyeliner, tu vois, mais quelque chose de très simple. Mais du coup, je me sentais bien dans mon corps. Mais j'étais encore loin, très loin de me poser des questions de genre à ce moment-là. Parce que je veux dire, ce maquillage-là, c'est quelque chose que je faisais auparavant. Enfin, oh là là, il y a tellement de choses à dire. En fait, en 2018, j'ai aussi fait un spectacle qui s'appelait Grégoire. Ok. Mais alors, si on doit rentrer dans Grégoire, c'est encore un autre monde. Non, Mais bah après on peut résumer que les questions quand même sur ton identité de genre étaient déjà un peu là en toile de ouais. fond. En fait, avec Grégoire, il y avait quand même un espèce de prémisse. Et en fait, même dans le slam, parce que j'ai écrit un slam avec lequel j'ai remporté justement le championnat de Belgique, qui parlait de masculinité, en fait. Ok. Mais ça, c'était en 2018, quoi. Ah ouais. Et puis, il y a eu Grégoire, dans lequel c'était une pièce, en fait, dans laquelle j'étais torse nu. Je me foutais de la peinture partout et je me posais plein de questions, entre autres de masculinité, mais pas que. Mais il y avait quand même déjà cet esprit non-binaire, quoi, quelque part, dans l'air. Et puis le rap, en fait, c'est venu me remettre un truc très normé, quoi. Ok. Au niveau vestimentaire, au niveau des codes, au niveau des choses que j'aborde, c'était très, très normé, très hétéronormé aussi. Ouais, parce qu'en tout cas, alors de l'extérieur, moi, je suis pas grand auditeuriste de rap. Enfin, j'ai écouté du rap ado, genre IAM, Soprano à l'époque, Diams et tout ça, mais depuis un moment, j'y touche plus trop. Mais effectivement, de loin, ça a l'air quand même effectivement très hétéronormé. Un petit côté viriliste, en tout cas les raps de mecs, tu sens que c'est vraiment des mecs avec des tubs de chocolat et qui parlent des meufs qui ken et tout ça. C'est vraiment comme ça dans le milieu du rap en général ou... Je pense qu'il y a plein de types de rap différents. Enfin, je veux dire, là, dernièrement, j'ai découvert même une drag queen qui fait du rap, tu vois. Piche. Ben ouais, voilà, Ouais, Piche. Piche qui a fait la saison 2 de Drag Race France. C'est possible, ouais, c'est La bien 1 ou la possible, 2, je je sais pense plus, mais bien. ouais. Je pense bien. Ouais, et qui Et envoie bien. donc, Qui a un bon flow, quoi. en soi, tu vois, et en plus, enfin, je veux dire, quand t'écoutes ces trucs, t'es en mode, oui, bah oui, on est, enfin, c'est du rap, tu vois, il n'y a pas de doute, je Ouais. veux dire, on y va à fond, quoi. Mais, tout ça pour dire, ouais, il y a plein de types de rap, effectivement. Après, moi, effectivement, à Liège, dans le milieu rap que j'ai fréquenté, on se retrouvait, on n'était pas forcément dans un truc ultra viriliste pour autant, mais ça reste un truc de mec, quoi, tu vois. Ça reste déjà un milieu de mecs, très peu de meufs, que ce soit au niveau des techniciens, des producteurs ou des rappeurs. Et donc forcément, tu as une ambiance très masculine, quoi. Je veux dire, Eh ben ouais. au niveau des propos, à Liège, j'ai entendu peu de dingueries. Tu as quand même un bon sexisme pas ordinaire qui est là. Mais j'ai peu entendu d'homophobie. dans les textes, hein, je veux dire en tout Ah oui, cas. c'est ça. J'ai entendu peu d'homophobie. Donc par rapport à d'autres vibes de rap qu'il peut y avoir, Ouais. il y a une ambiance très masculine, mais il n'y avait pas forcément énormément de violence dans les textes non plus. Enfin Ok. voilà, tu vois, je veux dire, tout ça pour essayer de relativiser un peu ce qui se passe à Ouais. Liège Et justement, par rapport à la scène globale, quoi. depuis que t'es passé à Chose, est-ce que t'as pu capitaliser sur ce que t'avais déjà fait comme trou dans la scène rap liégeoise et au-delà, Non, tout ou... s'est écrasé là. Ah ouais. Tout s'est écrasé. Quitter le milieu rap, c'était un choix, mais c'était aussi une conséquence, quoi, tu vois, Ok. de changer de projet. Parce que tu sens qu'en amenant un projet qui questionne un peu frontalement la masculinité et le genre, t'es plus dans le boys club. Ouais. Ouais, de fou, de fou, de fou, de fou, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ok. Tu sens que tes amitiés, c'était le boys club, effectivement, c'était pas autre chose que ça. Ça fait mal, ça pique un peu, tu vois, mais c'est prévisible aussi, tu vois. Ouais. Je veux dire, j'ai croisé en festival des gars avec lesquels je rappais. Il y en a un des deux, je pense bien qu'il m'avait vu, tu vois, et je l'ai vu se retourner pour pas me voir. Et puis il y en a un autre à qui je claque encore bien la bise, qui est venu voir une expo que j'ai faite, qui m'a posé des questions. Je vais Ok. revenir sur ce qu'il m'expliquait. Mais qui lui, du coup, on s'est vu, on s'est embrassé. Et puis l'autre gars, du coup, m'a aussi dit bonjour. Mais voilà, je veux dire, je sens que la relation, c'est pas la même, tu vois. Il y a un truc qui est tombé. Mais c'est aussi volontaire, comme je le dis, c'est-à-dire que moi je savais que je quittais ce milieu-là, je savais que j'en voulais plus aussi, mais c'est pas pour autant que je voulais plus des amitiés qui étaient là, parce que je pense que j'étais entouré de gens qui étaient chouettes, quoi, tu vois, Ouais. mais voilà, je pense qu'il y a une incompréhension en fait de ce que je propose aujourd'hui. En tout cas, une de ces personnes-là me l'a fait comprendre. Il est venu me voir, il m'a dit, mais ce que tu fais là, c'est quoi? C'est un personnage? Est-ce que tu es en train de surfer sur une vibe, sur une mode? Et donc en fait là, j'ai compris en fait pourquoi les gens ils me suivaient plus ou ils me comprenaient plus. En fait, c'est parce qu'en fait ils pensent que je fais ça pour le business ou pour Eh le oui, c'est ça que c'est le que... lobby LGBT qui C'est m'a eu, ça. quoi, tu vois, ou un truc du genre, quoi. Ok. Il y a clairement de ça, quoi. Donc en fait, quand tu comprends ça, après, je suis juste en mode, bah voilà, enfin, qu'est-ce que tu veux que Ouais. j'en fasse? C'est comme ça. Les gens sont pas venus chercher l'info, ils m'ont pas posé la question, ils ont juste décidé d'arrêter de suivre le truc et ça leur appartient, quoi, tu vois. Et est-ce que tu as au contraire des opportunités qui se sont créées plus dans des milieux queer ou queer friendly ou autres? Bah, des opportunités qui sont créées, il y en a, c'est clair. Après. Enfin, je veux dire, tu vois, je reviens sur la question enfin, que je vais citer, du coup, que tu me posais là par écrit, qui était est-ce que je suis plus, du coup, invité en tant que figure LGBT ou est-ce que on va m'inviter dans d'autres événements qui sont pas que orientés, enfin, orientés, même, qu'est-ce que Ouais, ça ou veut dire, tu vois, thématisé, ou thématisé, ouais. voilà. J'ai eu les deux et en fait. Au début, ça m'a fait fort bizarre, en fait. Il y avait surtout un sentiment d'illégitimité, en fait, vis-à-vis du fait qu'on me programme, par exemple, au tout début du projet en 2023, on m'a programmé pour la journée mondiale des luttes contre les LGBTQI-phobies et pour les journées internationales de l'homosexualité, de la non-binarité. Enfin, je sais plus, tu vois. Enfin, moi-même, je sais pas, tu vois. Genre, on m'a invité, en gros, c'était le 17 mai. Et le 30 mars, un truc comme Eh ça, oui. je sais plus. Je sais plus non plus qu'est-ce qu'on fait. Ouais, mais bref, ok. Oui, c'est On ça. est là Donc en fait à pas savoir ce censé qui être est. nos journées, mais en fait, c'est plus les journées des hétérosexuels qui veulent qui veulent se faire bien voir. Ouais, je vois très très bien. C'est ça. Et donc un peu le sentiment tout à coup que ça y est, tu étais devenu la non-binarité et tu Ouais, parlais au nom alors de ça, tous les non-binaires c'était et des trans horrible. et tout ça. C'était horrible parce qu'en fait, moi, j'avais encore jamais mis de mots là-dessus. Et la première fois que ça arrivait, c'était effectivement fin mars. Et on était en Espagne. On s'est fait programmer à Cadiz, à l'université de Cadiz parce que j'ai ma tante qui travaille là, qui est professeure de français, qui habite en Espagne depuis toujours et voilà, qui nous a fait kiffer, qui nous a programmé là-bas, quoi. Et on se retrouve là-bas et en fait, après le spectacle, il y a un débat et je parle avec les gens et en fait, on me demande, on me pose par exemple la question, mais du coup, la situation des personnes trans en Belgique, c'est quoi? Et en fait, là, je me dis, ok, moi, je viens juste parler de ma transition, enfin, de ma transition qui était même pas encore une transition, qui était une exploration. Je viens juste dire ce que c'est pour moi. Et tout à coup, je deviens expert trans belge, tu vois. Et là, ça fout la pression, quoi. Parce que t'es en mode, mais en fait, non, je sais pas. Tu vois, je lui dis, ben. J'ai précisé ma position, évidemment, tu vois. Je leur ai dit, voilà, moi, je peux pas répondre vraiment à la question. Je peux juste vous expliquer ce que je connais, parce que j'ai des gens dans mon entourage qui ont vécu ceci et cela. Je sais un petit peu vous parler de ce qui se passe au niveau administratif, un petit peu de ce qui se passe au niveau médical, mais en réalité. Je sais pas vraiment, parce que je m'étais pas encore intéressé à ces questions-là, et encore aujourd'hui, je peux pas me présenter comme étant expert de ce qui se passe au niveau des réalités trans en Belgique, tu vois. Et donc, ouais, ça m'a flingué mon voyage. Et la photographe avec laquelle je partais et mon beatmaker, ils ont ressenti mon flingage, quoi. On a passé un voyage merveilleux, mais ils ont. Moi, Tom, quand il m'en reparle, il me rappelle à quel point j'étais la tronche par terre, quoi, après ce spectacle. Parce que j'étais en mode, mais je suis qui, en fait? Est-ce que je suis trans parce que les gens me disent que je le suis et que je dois me mettre tout à coup dans une position d'expert? Ou est-ce que je suis trans parce que je l'ai décidé? C'est quoi le lien entre mon identité et la matérialité de ce que je suis en train de vivre, tu vois? Et les positions dans lesquelles j'ai envie de me mettre, mais dans lesquelles on me met aussi. Et donc, c'était un flingage total. Et donc, c'était très bizarre. Il y avait cette illégitimité, du coup, parce que forcément, j'étais bébé queer à ce moment-là, quoi. Et j'estime, pardon, dans une certaine mesure que je le suis toujours. Mais du coup, qu'on te mette dans cette position-là, tu vois, après, c'était l'Université de Liège qui nous invitait aussi pour le 17 mai. Et après, il y avait aussi un débat. Et là, par contre, on avait un peu mieux géré les choses, c'est-à-dire que j'ai invité quelqu'un d'autre que moi à venir parler avec moi pour qu'on se complète. Parce que moi, je peux parler du spectacle, je peux parler de moi, j'ai fait un master en études de genre, donc il y a des choses que je peux dire, que je peux aborder avec un point de vue spécifique et expert, mais il y a plein d'autres choses que je connais pas, quoi. Et donc, il y a Antoine Enrotin qui. Ou Antonin Enrotin, Antoine Enrotin, je pense, bref, qui est expert aussi de certaines questions et qui est venu m'aider là-dessus. Donc c'est un apprentissage, tu vois, de gérer un peu ce truc de. De tout à coup être mis dans Ouais, une case, en ouais. fait, par des personnes qui nous reprochent souvent de mettre les gens dans des cases. Ouais, tout à fait. Et donc ça, c'est une partie de cette réalité-là. L'autre partie de la réalité, c'est que le spectacle, très rapidement, après la première résidence en février 23, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel pour des scolaires. Et donc très rapidement, en fait, je me suis aussi retrouvé à présenter le projet comme étant un projet musical queer. Ça, c'est vrai, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, maintenant, je me sens bien avec le fait d'assumer cette étiquette-là, tu vois. Et aussi, cette étiquette queer, pas uniquement parce que moi, je suis une personne queer, mais surtout parce que le spectacle et le concert parlent de ça. Je ne viendrai pas avec un second projet dans lequel je parle de santé mentale, dire c'est un projet musical queer. Non, c'est un projet musical qui parle de santé mentale, tu vois. Bien Donc, sûr. je veux dire, là, je le présente comme un projet queer parce que j'aborde des thématiques queer. Après, que moi, je sois une personne queer ou pas, c'est moins important sur le plan de ce qui est dit dans le spectacle, à mon sens, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, je le présente comme tel parce que, d'un côté, ça a un potentiel, enfin, ça a un potentiel, l'air de rien, de booking, quoi. Et c'est vrai que je veux pas faire semblant que ça n'existe pas et donc je veux me laisser l'opportunité de jouer là-dessus aussi parce que s'il y a des structures qui, quelque part, sans gêne, veulent surfer dessus, bah, je veux dire, je vois pas pourquoi je surferais pas dessus en tant que personne concernée, tu vois. C'est-à-dire que je vais, si c'est quelque chose qui doit se passer, je veux avoir un minimum de contrôle, entre guillemets, sur le fait que ça se passe, tu vois. Et assumer le fait que je vienne avec cette étiquette-là à ce moment-là, tu vois. Là, on va avoir un concert à l'université de Namur en octobre. Il y a la maison arc-en-ciel qui intervient aussi dans le processus. Il y aura un débat après. Je suis OK avec le fait que ça se passe comme ça. Parce que depuis lors, je me suis posé la question et je me suis rendu compte que qu'il y a du potentiel dans le concert et dans le spectacle vis-à-vis d'une dynamique pédagogique, tu vois, et de transmission de certaines choses. Donc ça, OK. Ça, je veux bien... Et en étant encadré avec... Enfin, en tout cas, en étant épaulé par quelqu'un qui est vraiment experte de ces questions. Et... C'est ça. Donc tu vois, cette étiquette-là, je la veux bien pour ces raisons-là. Parce qu'il y a quelque chose à transmettre. Après, j'ai pas envie de cette étiquette-là si c'est pour me programmer dans un festival et juste être la parité, tu vois. Ouais. Ouais, on a invité le token, quoi. 40 hommes, 40 femmes, 3 personnes non binaires. Enfin, tu vois. Ouais, le token, exactement, quoi. Enfin, je veux dire, ça, je trouve ça moins intéressant. Je trouve ça pas forcément cool. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que je le ferais ou pas, tu vois. Je veux dire. Sachant ça, il y a encore un choix à faire, tu vois. Si tu sais que t'es le token dans le truc, est-ce que tu le fais pas parce que tu dis non, c'est un manque de respect, tu vois, par rapport à ce que je représente, ou est-ce que tu le fais parce que en fait ça te dépasse aussi, dans le sens où j'ai quand même aussi envie de toucher un autre public qui va pas venir me voir dans des festivals cuir à Liège ou à Bruxelles, tu vois. C'est ça, puis c'est une date plus ou moins bien rémunérée, c'est une occasion d'avoir des dates simplement, ce qui n'est pas toujours évident. Clairement. Ouais. Et ben, comme l'heure tourne, on va passer à ton deuxième choix musical, enfin, à ton choix musical, vu que le premier c'était ton propre morceau, avant de revenir pour clôturer. Tu nous proposes d'écouter un morceau de Mara, que j'aime particulièrement. Bon, alors moi je connaissais surtout Foufou dans ta bouche, mais ici c'est Point Q que tu nous proposes d'écouter. Donc on s'écoute Point Q de Mara, et puis on revient pour la suite et fin de ce bel épisode. Belle écoute à tout le monde! Magali, Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali, Magali, tu prépares ton bon son, mets le point Q, mets le point Q, mets le point Q. Tu prépares ton bon son, mets le point Q, mets le point Q, mets le point Q. On va faire bouger tous les culs, culs, culs. On va faire bouger tous les culs, culs, culs. Sortie d'un buisson, toujours avec boisson, main sur les platines, avec les copines. Tu prépares ton bon son, mets le point Q, mets le point Q, mets le point Q. Tu prépares ton bon son, mets le point Q, mets le point Q, mets le point Q. On va faire bouger tous les culs, culs, culs. On va faire bouger tous les culs, culs, culs. Cette gale est toujours en retard. Je sais vraiment pas ce que je vais faire d'elle. Pourtant c'est ma pote, elle et moi. On n'arrête pas de sortir, tous les soirs on fait la fête. Et on boit, boit, boit. Oui, on aime ça. On boit, boit, boit, boit, boit. Santé. Oui, on aime ça. On boit, boit, boit, boit, boit. Magali, Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali, est-ce que t'es prête à foutre la merde? Foot, foot, foot, foot, foot, foot, foot, foot, foot, foot, foot la merde. Foot, foot, foot, foot, foot, foot, foot, foot, foot, foot, foot la merde. Tu prépares ton bon son, mets le point Q, mets le point Q, mets le point Q. Tu prépares ton bon son, mets le point Q, mets le point Q, mets le point Q. On va faire bouger tous les culs, culs, culs. On va faire bouger tous les culs, culs, culs. Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Freaks et Merveilles. Moi, ce morceau-là, je l'ai découvert pendant un DJ set d'une artiste de Liège, Libra Romea. Je connaissais pas du tout Ben voilà, Foufoune dans ta bouche, je connais aussi, de l'avoir aussi entendu en DJ set en fait. Ah ouais, bah oui. Parce que c'est des trucs qui font bouger à fond, quoi. À fond, à fond, à fond. Mais revenons à Habiter l'orage. Du coup, c'est quoi la suite? Bon, là, on enregistre à la mi-août 2024. La suite, c'est quoi? C'est essayer de faire une tournée, des concerts, de faire vivre l'album sur scène? Ouais. C'est ça l'idée. Je pense que je vais rester calme au niveau création ces prochains mois. Enfin ouais, je veux pas m'avancer, mais en tout cas ça va être calme au niveau créatif pur. Mais effectivement, du coup, l'idée c'est que maintenant qu'on a fait une super résidence à Verviers, qu'on a une version concert bien cadrée, bah c'est de faire vivre le truc, quoi. Tant que possible, et je pense même dans, je dirais presque, pas peu importe les conditions, attention, mais dans diverses conditions dans lesquelles c'est faisable. Ici je pense, cet été j'ai fait que deux concerts, et c'était deux bénéfices de partie pour des gens qui viennent en soutien financier, entre autres, et matériel à des personnes palestiniennes. Et donc ces personnes-là sont dans des réseaux, enfin, ou dans des connexions directes avec des personnes de là-bas, et donc enfin je trouve ça incroyable en fait, et je l'ai dit au premier concert qu'on a fait en juillet pour la première bénéfice partie, je le disais, c'est incroyable que ma musique puisse permettre de faire ces choses-là, tu vois. C'était quelque chose que je voulais, enfin tu vois, parce qu'à un moment donné, enfin je vais pas m'étaler là-dessus, mais très brièvement, au niveau du militantisme, j'ai dû prendre des distances à un moment donné, et le fait de pouvoir y revenir à travers la musique, ça me fait beaucoup de bien. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai ces deux bénéfices de partie, dont la prochaine, elle est ici en juillet. Et puis après ça, ben oui, on a des concerts prévus en octobre, on a des concerts prévus en janvier pour l'instant. Ouais, on fera un rapide petit tour parce que c'est diffusé début novembre, donc tu pourras donner ton calendrier de sortie à ce niveau-là. Mais avant qu'on conclue, bah, alors t'en parles un peu sur ton Insta, tes parents, t'as un job de jour entre guillemets à côté de la musique. Ouais. Comment ça va de goupiller tout ça? Bah, en fait, je suis jeune travailleur là, donc j'ai encore qu'un an de travail derrière moi, et franchement, ça s'est bien passé. Enfin, en fait, c'est même plus facile, je crois, de goupiller ça que la vie étudiante. Parce que en fait, enfin, bon, je suis enseignant, donc au niveau des horaires, c'est assez cool. Et du coup, ben, ça se goupille très bien. Et ça m'a même fait beaucoup de bien de rentrer dans la vie professionnelle, parce que les études, ça commençait à me flinguer aussi. Ok. Donc avoir quand même un côté un petit peu stable, ouais, un rythme, financièrement et aussi, au niveau, ouais, du calendrier et ouais, du rythme de la semaine. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis comme je disais. Ici, en fait, je choisis aussi de rester dans l'enseignement pour ce début d'année 2024, parce que les horaires sont très intéressants. Là, je vais avoir un temps plein, c'est 20 heures semaine, quoi, un temps plein dans l'enseignement secondaire. Donc, en fait, à côté de ça, je fais tout ce que je veux. Ça m'a permis, l'année dernière, de faire surtout de l'artistique dans les moments où je ne travaillais pas. Et en fait, cette année, je vais utiliser ce temps-là à bosser sur un doctorat, sans doute. Oh, wow. Parce que c'est un autre de mes grands projets. Et je pense que c'est aussi pour ça que je dois m'obliger à faire un peu, pas un breakdown total de la musique, mais à me concentrer que sur les concerts, essayer d'avoir un peu plus de dates, donc faire du réseautage quand même, etc., qui demande beaucoup de travail, mais me limiter à ça et essayer de vraiment presque rien faire au niveau créatif pour pouvoir passer le plus de temps possible sur la préparation d'une thèse, parce que en fait je me suis rendu compte au niveau professionnel que c'est ça que je devais faire, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse vraiment, quoi. En fait, en dehors de l'artistique, j'ai besoin de nourriture intellectuelle, et ouais, et j'ai pas trouvé de taf qui me permet de faire ça. Dans l'associatif, j'ai eu une possibilité, mais qui a pas pu aller jusqu'au bout. Et il n'y a rien d'autre qui existe avec les compétences que j'ai, donc je me suis résolu au fait que je devais faire cette thèse, parce que Je voulais pas la faire de base parce que ça va me flinguer ma santé mentale très certainement. Ouais, j'ai Mais quelques potes doctorants qui. ouais. Donc ça Ça a pas aidé, ça me freinait de ouf au début. Mais en fait, je me rends compte que c'est la seule chose que j'ai envie de faire, quoi. ouais. Ok. Donc c'est ça que je vais essayer de Et faire, mais. très rapidement, t'as déjà un thème, un sujet, Ouais. un. J'ai envie de travailler avec des auteurs de violences sexuelles, en fait. Donc des hommes. Auteur de violences sexuelles. Je travaille sur les questions de masculinité au niveau, enfin, dans mes études, j'ai beaucoup travaillé sur les masculinités. J'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est santé, sexualité, masculinité. Et là, en fait, ce sujet, cette problématique de société, elle est tellement présente, en fait, depuis un moment déjà, depuis plusieurs années. Que je sens qu'il y a un truc à aller chercher, qu'il y a un truc à aller étudier. Et du coup, j'ai envie de faire ça, quoi. Et ça va être un sujet assez compliqué à aborder, mais j'ai des idées de terrain, j'ai déjà des lectures qui sont là. Et j'ai envie de faire ça en lien. Donc, cette question, enfin, cette histoire de voilà, ces hommes auteurs de violence, avec la question de la justice réparatrice et aussi. Tout ce qui concerne la violence intracommunautaire aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en fait des agresseurs au sein de notre propre communauté, qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est tous ces enjeux-là que j'ai envie de questionner dans une thèse en fait. Waouh. Eh ben, un autre sujet à suivre. Ouais. L'heure tourne, on arrive déjà quasiment au bout de cet épisode assez passionnant. Mais avant de te laisser partir, quelques petites questions rituelles. Alors du coup, sans la musique, tu serais devenu quoi? Tu serais devenu qui? Bon, tu lui as un peu donné la réponse peut-être, mais... Ah ouais, bah c'est clair que je veux Mais s'il n'y avait dire. jamais eu la musique, même le rap, le slam, tout ça, En tu fait, serais allé où? tu sais que dernièrement, alors comme tu dis, je vais essayer de faire rapide, mais dernièrement j'ai rouvert pas j'ai pas tout relu, mais j'ai feuilleté mes cahiers d'écriture de quand j'étais ado et de quand j'étais dans mes études, etc. Et en fait, je me suis dit, mais si j'avais pas eu l'écriture, je pense que, enfin. Je me suis vraiment dit, l'écriture m'a sauvé la vie, tu vois. Pas dans le sens où j'avais pas nécessairement des pensées suicidaires, tu vois, par exemple. Mais je pense qu'elle m'a permis de faire sens. Elle m'a permis de vivre, en fait, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là que ça m'a sauvé la vie, tu vois. Donc franchement, sans ça, et du coup, par extension, sans la musique, je pense que j'aurais été très vide, parce qu'en perte de sens complète. Après, si on n'a pas cette donnée-là, bah, je veux dire, si ça n'avait pas existé, si j'en avais pas eu besoin, bah, il y aurait eu des études, et j'ai énormément kiffé faire de l'anthropologie et puis des études de genre. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, mon parcours, il n'aurait pas changé, je crois, parce que ils sont à la fois, il y a des croisements, et en même temps, ils sont assez distincts, tu vois, au niveau des disciplines, donc je pense que j'aurais continué en anthropologie et peut-être que j'aurais même fait Ton doctorat un peu plus vite. ouais plus vite sans doute pas parce Ok. que je crois que j'aurais pas pu faire mes études plus vite mais ouais enfin voilà Ok. Alors, si tu as tout le budget du monde pour faire un show, tu fais quoi? Je me pose d'abord la question, ok, j'ai tout le budget du monde, mais est-ce que j'ai tout le public du monde? Si la réponse est oui, bah alors je te fais le plus gros concert que tu puisses avoir, ça pète dans tous les sens et je vais danser dans la foule et c'est la grosse teuf. Mais en vrai, si j'ai tout le budget du monde, je fais pas qu'un concert pour moi, quoi. Je veux dire, je fais un festival où je mets tout le monde bien. Tous les artistes qu'on a envie de voir sur scène, mais des artistes locaux, tu vois. Je veux pas des restages, je veux juste faire croquer les gens qui ont envie de surfer sur une vague de 10 000 personnes, quoi. Mais donc ça, c'est s'il y a le public qui va avec le budget. Après, s'il y a que le budget, mais que je garde le public que j'ai aujourd'hui, bah, En vrai, je fais un truc simple, quoi, tu vois. Je pense que j'essaye peut-être de réaliser des petits rêves, genre, bah, alors à ce moment-là, je me fais une bonne résidence, genre avec des bons gros moyens, mais en gardant le truc simple dans une petite salle, quoi, tu vois. Ok. Genre, enfin, ouais. Ouais. Et donc, même avec un gros budget, je pense que ça me permettrait juste de préparer matériellement et de payer des gens à faire des trucs stylés. Mais si c'est pour qu'il y ait 150 ou 100 personnes qui viennent le voir, je vais pas faire des trucs beaucoup trop stylés non plus parce que ça servira à rien, tu vois. Je vais pas aller booker je sais pas moi un stade de foot pour 10 personnes qui viennent me voir, tu vois. Donc voilà ma réponse. Ok. Vous parlez beaucoup, ton corps et toi? Pas assez. Voilà. Pas Pour une assez. fois, une question, une réponse Ouais, je pourrais courte. développer, mais pas assez. Ok. Plutôt freaks ou plutôt merveilles, chose? Plutôt merveille, et j'espère que. Je pense que le côté merveille m'a fait venir là où je suis aujourd'hui avec Chose. Et j'espère que je vais m'ouvrir plus aux freaks, mais je le vois plus dans quelques années, ça. Je suis pas encore prêt pour le freaks, mais je pense qu'il viendra. En fait, j'ai. À travers le freaks, j'aurais trop peur de m'approprier un truc qui m'appartient pas. Et donc j'attends de voir s'il vient à moi ou pas, quoi. Tu vois, genre, j'aurais pas envie de le forcer, quoi. Ok. Eh ben merci beaucoup d'être venu. Donc oui, cet épisode sera sans doute diffusé début novembre. Est-ce qu'on peut venir te voir et t'applaudir bientôt ou Oui, pas? tout à fait. Je veux dire ça tout de suite. J'ai des dates en janvier, en fait, qui vont être très très chouettes, d'ailleurs. Bon, comme toutes les dates, hein, mais ici en janvier, on peut se voir le 24 janvier au Synergie Festival. C'est à Eupen. Très chouette truc que je connaissais pas du tout, mais ça va être cool. Et au Centre culturel de Wans le 30 janvier aussi pour le off du festival Propulse. Trop bien, t'es dans le off de Propulse, c'est cool ça. Oui. Et est-ce que tu bookes pour genre venir faire un ou deux morceaux en cabaret ou c'est quoi ton genre ton minimum pour qu'on te book en termes de durée et tout ça? Waouh, ça dépend Ok. tellement. En fait, parfois on me fait des propositions, je suis en mode bah ouais, c'est quoi, vas-y. Surtout que je fais aussi du emceeing. Ah ouais. Je présente des artistes sur scène, donc parfois on me book pour que je présente d'autres artistes. Allez, ça dépend. Je veux dire, si vraiment c'est un festival et qu'ils viennent me proposer de faire un ou deux morceaux, je crois que je me déplace pas. Ok. Mais genre une soirée cabaret Ah. queer, tu vois. Oui, enfin, je sais pas en Ok. fait. Ouais, peut-être. En fait, oui, en fait, ça dépend du contexte, tu vois. Effectivement, tu vois, je veux dire, un festival qui veut te faire déplacer pour une musique, non. Un cabaret en mode, viens, tu viens faire un. Enfin, mais à ce moment-là, je crois que je fais même autre chose qu'une de mes musiques. Je crois que je prépare même un truc spécifique pour l'occasion, tu vois. Ok. Donc, je crois que tout est possible avec chose. Il suffit Trop de bien. proposer. Eh ben, proposons pour voir ce beau projet et cette belle personne sur scène. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Merci à C'était vraiment un toi. grand plaisir de discuter tout ça avec Plaisir toi. partagé. Et puis à très bientôt. À très vite. Et c'est ainsi que se termine l'épisode Freaks et Merveilles du jour. Rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, il y a plein d'épisodes à écouter ou redécouvrir sur les plateformes de podcast habituelles. N'hésitez d'ailleurs pas à recommander l'émission et y mettre plein de cœurs et d'étoiles pour qu'il soit mieux recensé et plus populaire encore. Et si l'envie et le cœur vous en dit, l'émission est sur Patreon. L'occasion de me donner un petit peu de soutien financier dans cette entreprise largement bénévole. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas d'aller voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est une émission imaginée, enregistrée, montée et diffusée par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. Elle est propulsée par Murmure ASBL et diffusée sur Radio Panique. Merci à Hello!